ah ah ah, que je l'aime et que je la revois. Ah, lui dis pas, lui dis pas, ah ah ah, lui dis pas, ah ah ah, car tout ça est pour nous un secret. Ah, lui dis pas. On s'aimait depuis une année, son ferme là-haut, le VE. Mais moi, je l'ai gardé. Et nous avons caché notre amour. Lui dis pas, ah ah ah, lui dis pas, ah ah ah, tout ce que je te confie là. Ah, lui dis pas. S'il apprend que sa fille m'aime, elle sera tenue en chaîne. Et moi j'en mourrai